Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la bataille pour la ratification de l'amendement sur l'égalité des droits aux États-Unis. Ayes 59, nays 41, abstentions 0. Ayes 59, nays 41, abstentions 0. For the women of Virginia and the women of America, the resolution has finally Le 15 janvier 2020, la Virginie est devenue le 38e État américain à ratifier l'amendement constitutionnel qui garantit l'égalité des droits entre les hommes et les femmes aux États-Unis. Mais malgré ce résultat du vote de la Virginie, certaines contestations judiciaires nous empêchent aujourd'hui encore d'affirmer hors de tout doute que la Constitution américaine reconnaît maintenant officiellement l'égalité entre hommes et femmes. Le combat, le long combat pour cette reconnaissance qui a commencé il y a à peu près 100 ans, va donc se poursuivre. Let's face it, people didn't want to give women equal rights in the 1870s when there were no abortion laws. Regardons les choses en face. Les gens ne voulaient pas donner des droits égaux aux femmes dans les années 1870 quand il n'y avait pas de loi sur l'avortement. Ils ne voulaient pas donner des droits égaux aux femmes dans les années 1980 quand nous étions prêtes à adopter des lois sur l'avortement. Et ils ne veulent toujours pas nous les donner, maintenant, en 2019, alors que nous avons des lois qui permettent l'accès à l'avortement. Donc, ce qu'on comprend au bout du compte, c'est que vous ne voulez vraiment pas de l'égalité des droits. Mais savez-vous à quel point c'est effrayant d'être une femme aux États-Unis? Vous avez peur que quelqu'un entre dans les toilettes. Les femmes sont violées partout. Les enfants sont violés dans les autobus scolaires. Les gens sont violés dans les lieux religieux. Ça suffit. Nous avons besoin de l'égalité des droits. Stop. We can no longer be held back. We need equal rights. L'actrice américaine Patricia Arquette, s'adressant aux membres d'une commission du Congrès à propos de cet amendement sur l'égalité des droits en avril 2019, pour nous raconter la très longue bataille pour l'adoption de cet amendement pour l'égalité des droits entre hommes et femmes aux États-Unis. Je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Ça semble assez invraisemblable, Karine Prémont, mais effectivement, officiellement, l'égalité entre hommes et femmes n'est pas encore reconnue dans la Constitution américaine. Pourquoi? Comment est-ce possible? Et où en est ce dossier à l'heure où on se parle, Karine? Bien, disons que pour changer la Constitution américaine, c'est plutôt complexe. Il faut d'abord que les deux chambres législatives fédérales adoptent le projet de loi, le projet d'amendement plutôt. Et ensuite, il faut que le deux tiers des États l'acceptent aussi, l'adoptent également par la procédure habituelle dans leurs deux chambres aussi. En ce qui concerne l'amendement sur l'égalité des droits, bien, ça prenait 38 États sur 50 qui adoptent cette résolution-là. Et on a vu que c'est seulement en 2020 que ça va se produire. Il y aura toutes sortes de contestations judiciaires aussi parce qu'on va imposer des délais à l'intérieur desquels on doit obtenir ces 38 États. On va repousser ce délai-là ensuite. Il y a des États qui se sont retirés aussi. Il y a 5 États qui se sont retirés après avoir d'abord appuyé l'amendement. Tout ça a fait dire à Ruth Bader Ginsburg en 2020 que peut-être qu'il faudrait recommencer et qu'il faudrait profiter de l'occasion pour recommencer parce que c'est un débat qui dure depuis très longtemps et qui ne trouve pas encore d'aboutissement 40 ans après. Donc, avant d'aller plus loin, dites-nous de quoi on parle exactement. Qu'est-ce qu'il prévoit, ce fameux amendement constitutionnel sur l'égalité des droits? Bien, quelque chose de très simple, c'est-à-dire d'inscrire dans la Constitution des États-Unis d'Amérique que l'égalité des droits est assurée pour les Américains, peu importe leur sexe, autrement dit que les femmes et les hommes sont égaux en droit dans la Constitution américaine. Donc, c'est tout simplement l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Bon, ça, c'est pas reconnu encore aujourd'hui dans la Constitution américaine. Est-ce qu'il y a pas pourtant des lois, certaines lois, certains règlements, Karine Prémont, qui protègent les droits des femmes? Il y en a quelques-uns, effectivement. D'abord, il y a le 19e amendement à la Constitution qui date de 1920 qui donne le droit de vote aux femmes, par exemple. Donc, de ce côté-là, il y a égalité. On parle du Equal Pay Act de 1963 aussi, qui vise une certaine forme d'équité salariale entre les hommes et les femmes. Et il y a finalement le Civil Rights Act de 1964 qui interdit la discrimination, que ce soit pour des raisons de sexe, de couleur, de religion, etc. Et d'ailleurs, ces lois-là ont été invoquées par les opposants à l'amendement sur l'égalité des droits rapport aux États-Unis en disant, ben voyez, les femmes sont protégées de toute façon, sauf que dans certaines situations, ces lois-là ne sont pas suffisantes pour assurer l'égalité en droit des femmes aux États-Unis. C'est pas l'équivalent, puis on entendra un peu plus tard l'une de celles, Martha Griffith, qui a porté cette bataille pour cet amendement, dire de quelle façon un amendement qui a préséance sur toutes les lois et règlements aux États-Unis serait plus fort que certaines lois ou règlements qui, oui, dans certains cas, protègent les droits des femmes. Parlons du début de cette bataille-là, une très, très longue bataille, une bataille qui dure depuis à peu près 100 ans. Ça commence quand et dans quel contexte, cette bataille pour l'amendement sur l'égalité des droits? En fait, ça commence en 1921. C'est le National Woman's Party qui va proposer un amendement constitutionnel pour s'assurer que les lois ne discriminent pas les femmes. Donc, la première version de l'amendement sur l'égalité des droits voit le jour à ce moment-là, parce qu'on juge que l'amendement qui donne le droit de vote aux femmes n'est pas suffisant pour assurer cette égalité-là. Ça ne fonctionne pas devant le Congrès, bien évidemment. Alors, on propose une deuxième version en 1923 parce qu'on veut parler plus spécifiquement d'égalité des droits pour les femmes. Et ce sera présenté au Congrès encore une fois. Ce ne sera pas adopté, bien évidemment. En 1943, on va faire d'autres modifications, sans plus de succès non plus. Ce sera toutefois la version qu'on va reprendre en 1971 que celle de 1943. Et il faut dire que depuis 1921, en fait, jusqu'en 1972, ce projet d'amendement va être présenté au Congrès à chaque session, sans jamais faire l'objet d'un vote, sauf en 1946. Ce sera rejeté au Sénat, malgré un vote majoritaire en faveur de l'amendement, parce que pour une modification constitutionnelle, bien, ça prend ce qu'on appelle une supermajorité, ça prend le 2/3 des votes, et on ne l'a pas à ce moment-là. Au début des années 50, on va proposer un avenant, l'avenant Hayden, pour permettre le maintien des protections offertes aux femmes en milieu de travail, en se disant que, puisque c'est ce qui accrochait notamment auprès de certaines opposantes à l'amendement, bien, peut-être qu'on aurait de meilleures chances de faire adopter l'amendement à ce moment-là. C'est soutenu par le président Eisenhower, mais en fait, les femmes un peu plus progressistes vont complètement rejeter cette version-là en disant, bien, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est l'égalité totale entre les hommes et les femmes. On ne veut pas de protection particulière. L'avenant sera néanmoins adopté par le Sénat, mais pas par la Chambre des représentants. Donc, on voit encore une fois les difficultés de faire des modifications constitutionnelles de cet ordre. Ouais. Et l'un des obstacles, puis vous venez de mettre le doigt dessus, de différentes façons d'ailleurs, parce que les femmes ne s'entendent pas sur le fait qu'il faille ou pas procéder à la ratification et à l'adoption de cet amendement constitutionnel. Ça, c'est une des particularités. Les femmes sont, et une des raisons pour lesquelles il ne sera pas adopté, c'est que les femmes s'opposent entre elles, sont divisées là-dessus. Oui, effectivement. Il y a plusieurs dissensions importantes entre les féministes de droite, de gauche, bien d'abord et avant tout, mais aussi en raison de cette question des bénéfices particuliers liés au travail, parce que les femmes étaient souvent exemptées de travail de nuit, par exemple, de transporter des charges lourdes. Alors, on craint que de demander l'égalité totale avec les hommes n'élimine ces protections particulières. Alors, il y a beaucoup de femmes qui vont dire, bien, pourquoi on ne demande pas plutôt des congés de maternité ou l'augmentation du salaire minimum qui pourrait aider toutes les femmes sans nécessairement qu'on perde ces bénéfices liés au monde du travail et qui nous exemptent de ces conditions qui sont un peu moins agréables. Ouais. Il y a une autre particularité quand on regarde ceux qui soutiennent et ceux qui s'opposent à cet amendement sur l'égalité des droits, c'est que des groupes traditionnellement plus conservateurs, je pense aux républicains politiquement, vont au début en tout cas favoriser l'amendement alors que les démocrates vont s'y opposer. De la même manière, les syndicats qui traditionnellement sont vus comme progressistes, vont aussi pendant longtemps s'opposer à cet amendement-là. Comment ça s'explique, cette configuration un peu bizarroïde là, des forces en place? Mais d'abord, parce que les partis politiques des années 40, 50, 60 ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qu'on voit aujourd'hui. Donc, ça explique en partie cette position bizarre adoptée par chacun d'eux. Le Parti républicain va soutenir entre les années 40 et 80 l'amendement sur l'égalité des droits, essentiellement au nom des libertés individuelles, donc protéger les femmes, s'assurer de l'égalité en droit de tous les citoyens. Ça fait partie de la plateforme républicaine. Alors que les grands syndicats, par exemple, ceux qu'on a appelés les partisans du New Deal, les démocrates du Nord vont s'y opposer, essentiellement parce qu'on craint que les femmes perdent des bénéfices. On craint le ressac, si on veut, de l'adoption de cet amendement-là pour les femmes, mais aussi parce que dans le Nord des États-Unis, il y a moins de femmes qui travaillent à l'extérieur de la maison. Alors, on n'a pas nécessairement l'impression que c'est une nécessité que d'adopter un tel amendement. Bon, c'est au début des années 70 que la première grande victoire va se produire avec l'adoption au Congrès, à la Chambre des représentants en 71 et au Sénat en 72, l'adoption donc de cette proposition d'amendement pour l'égalité des droits. C'est la représentante démocrate Martha Griffith qui va être au cœur de cette victoire au Congrès américain. On l'écoute expliquer à Wendy Ross dans cette entrevue qui remonte à 1974 pourquoi elle estime que cet amendement-là est absolument nécessaire. L'amendement sur l'égalité des droits avait été proposé au Congrès autour de 1923, mais il n'a été adopté qu'en 1972, en grande partie grâce à vos efforts. Qu'est-ce qui va changer cet amendement? What exactly will it do? What it will really do is to force governments, when they make a law or pass a regulation, or whatever they may do. Il va forcer le gouvernement, lorsqu'il élabore une loi ou adopte un règlement, à l'appliquer également aux deux sexes. Ils ne pourront plus discriminer sur la seule base du genre. Ils ne pourront plus faire de discrimination en matière de sécurité sociale, ni même dans le système fiscal. À l'heure actuelle, les célibataires paient plus d'impôts sur le même revenu que les personnes mariées. Cette aberration pèse lourdement sur les femmes. Il faudra changer ça, car c'est une discrimination fondée sur le genre. They would have to change it because it is a sex discrimination. We also have these lovely little things in the pension laws. Nous avons également ces charmantes petites clauses dans les lois sur les régimes de retraite. Si une entreprise offre un régime de retraite intégré à la sécurité sociale, elle n'a pas à l'assumer pour les travailleurs qui gagnent moins de 6 000 $. Mais qui gagne moins de 6 000 $? Les femmes, bien entendu. Well, who makes less than $6,000? Women, of course. C'est intéressant ce qu'on vient d'entendre, Karine Prémont, de la bouche de Martha Griffith. Puis ça montre très concrètement en quoi un amendement qui touche l'ensemble des lois, des règlements aux États-Unis, un amendement qui protège l'égalité de droits entre hommes et femmes, en quoi ça c'est important et ça comble des trous qui existent tant que cet amendement-là n'existe pas. Oui, parce qu'effectivement, là, les femmes commencent dans les années 60-70 à investir le monde du travail, commencent à être plus actives et c'est là qu'on se rend compte de ces espèces de trous dans les lois. Donc, ça prend une loi qui chapeaute toutes les lois pour s'assurer que les femmes ne soient pas discriminées, en particulier lorsque vient le temps d'avoir des pensions notamment, mais aussi d'être compensées quand elles sont blessées, par exemple, sur le marché du travail. Donc, il y a un paquet de lois comme ça qui ne s'appliquent pas spécifiquement aux femmes, mais qu'un amendement pourrait venir combler. Et revenons donc à cette bataille que va mener Martha Griffith, on l'entendait il y a un instant, à l'importance qu'elle aura aussi, au contexte qui va conduire à cette grande victoire des années 70, quand le Sénat et la Chambre des représentants vont adopter cette idée d'un amendement pour l'égalité des droits. Bien, en fait, c'est essentiellement le mouvement féministe là, qui va reprendre de l'ampleur dans les années 60 et avec lui, bien évidemment, la nécessité de faire adopter l'amendement pour l'égalité des droits. Je l'ai dit tantôt, les femmes sont plus présentes sur le marché du travail, mais aussi les jeunes sont plus scolarisés, sont plus militants aussi. On se rappelle, les années 60, c'est la lutte pour le mouvement des droits civiques, c'est la révolution sexuelle, c'est la guerre du Vietnam. Donc, il y a une espèce de momentum à ce moment-là qui permet aux femmes de s'organiser et de demander d'avoir l'égalité des droits. C'est le Parti démocrate qui va proposer d'adopter l'adoption de l'amendement dans sa plateforme électorale lors de la Convention de 1960, qui va, si on veut, démocratiser ou en tout cas étendre l'appui à cet amendement-là au sein de la population. Il y a encore une résistance des grands syndicats, il y a encore une résistance de certains groupes de protection des droits civiques, encore une fois, parce qu'on craint surtout les effets négatifs de cet amendement-là, comme on en a discuté précédemment. Mais le président Kennedy va créer une commission sur le statut des femmes. C'est Eleanor Roosevelt, qui va présider cette commission-là. Elle, personnellement, elle s'oppose à l'amendement. Elle dit que ce n'est pas utile, c'est pas nécessaire. Les lois et les amendements existants sont suffisants et protègent bien les femmes. Mais elle va mourir avant que les travaux de la commission ne soient publiés, mais la commission va statuer qu'effectivement, ce n'est pas nécessaire d'étendre les protections qui existent déjà. Évidemment, ça ne va pas satisfaire les groupes de femmes, on s'en doute. Ça va donner un enjeu crucial, notamment dans ce qu'on va appeler la deuxième vague du féminisme dans les fins des années 60, début des années 70. Et c'est là, en 1966, le Congrès sur le statut des femmes va vraiment le cristalliser, si on veut, la mobilisation pour faire adopter cet amendement-là. Le problème, c'est que ça va créer une scission entre les conservatrices sociales, les démocrates proches des syndicats, de plus petits groupes vont voir le jour. Et on parlait des dissensions entre les groupes de femmes précédemment. Bien, on va en voir beaucoup à partir de ce moment-là. Et ce qu'on va voir aussi à partir de là, c'est vraiment une instrumentalisation politique de la cause des femmes, notamment de la Maison-Blanche. Les différents présidents dans les années 60-70 vont demander le soutien des groupes de femmes à leur candidature, à leur politique, en disant, bien, en échange, on va promouvoir les enjeux qui vous sont chers, on va promouvoir vos positions, notamment concernant l'amendement. Mais en réalité, on se contente souvent de nommer quelques femmes à des postes secondaires, créer des commissions, mais sans plus, sans proposer nécessairement un plan d'action concret pour améliorer les conditions des femmes ou pour se rendre justement à l'adoption de cet amendement-là. Peut-être une des figures marquantes aussi de l'avancement, si on veut, de l'amendement sur l'égalité des droits, c'est Shirley Chisholm, qui est la première femme noire qui est élue au Congrès. En 1969, elle va prononcer un discours sur l'égalité des femmes devant la Chambre des représentants, et ça va donner une très grande visibilité à l'amendement et à la cause des femmes. On va voir à partir de ce moment-là, notamment, l'appui des femmes afro-américaines à l'amendement qui va grimper jusqu'à 60 % alors que c'était pas mal moins que ça auparavant. Et c'est là qu'on va voir aussi différents groupes de défense des droits humains qui vont se mettre aussi à appuyer cette revendication-là. Ouais. Et c'est dans ce contexte-là, donc, que Martha Griffith va réussir à obtenir cette victoire au Congrès américain, le Sénat et la Chambre des représentants qui votent en faveur de l'amendement. Et le début, une fois que c'est adopté par Washington, par le Congrès, là, on envoie la balle dans la cour des États. Mm-hmm. C'est là où ça va achoper. Mais au départ, le rythme est bon, ça va bien. Beaucoup d'États décident de ratifier, Karine Prémont, cet amendement. Ah oui, parce qu'à partir de ce moment-là, d'autres figures proéminentes du féminisme là, vont prendre la balle au bon, vont se promener partout aux États-Unis pour défendre cette position-là. On pense bien sûr à Gloria Steinem, à Bella Abzug, mais à plein d'autres aussi. Et on a cette date limite du 22 mars 1979, avant laquelle 38 États doivent avoir adopté cet amendement. Et dès la première année, bien, il y a 22 États déjà en partant qui ratifient l'amendement pour l'égalité des droits. En 1974, il y en a 8 autres de plus qui s'ajoute, mais c'est là que ça commence à diminuer, c'est là que le soutien commence à s'amenuiser un peu, parce qu'entre 1974 et 1977, il y a seulement 5 États de plus qui vont ratifier l'amendement. Alors, on voit là déjà qu'il y a une espèce d'épuisement, si on veut, par rapport au soutien qu'on peut offrir à cet amendement. Oui, puis épuisement auquel va participer ce mouvement d'opposition qui va naître, parce que comme ça allait bien au début, ceux qui sont contre l'amendement commencent à s'organiser, et mm-hmm. il y a un groupe qui va emmener large, et surtout la figure de proue de cette organisation qui va se battre contre l'adoption de cet amendement. Et cette figure de proue, c'est Phyllis Schlafly, qu'on écoute dans un reportage de Gilles Goujon à l'émission Télémag en 1978. Madame Schlafly, vous ne croyez donc pas que les femmes aient besoin d'être libérées? Mais libérées de quoi? La plupart des femmes ne veulent pas être libérées du foyer, de leur mari, de leur famille et de leurs enfants. Pour le mouvement Libération de la femme, le foyer, c'est une prison avec des barreaux aux portes où les méchants hommes gardent leurs femmes enfermées. La plupart des foyers sont mieux que la plupart des emplois. Que pensez-vous des dirigeantes des mouvements de libération de la femme en Amérique? La majorité n'ont pas de mari ou pas d'enfants, et je crois que la plupart des femmes veulent un mari et des enfants. And it really gives you a different point of view. These things were accomplished before this present radical women's liberation movement came along. Toutes ces choses ont été acquises avant que n'existe le mouvement de libération de la femme à la fin des années 60. Le mouvement actuel ne s'inscrit pas dans la tradition féministe. Il a été conçu pour nous intégrer de force dans la société unisexiste et augmenter le pouvoir du gouvernement fédéral pour y arriver. Phyllis Schlafly est l'une des voix qui va s'opposer le plus fermement à la ratification de cet amendement pour l'égalité des droits. Pourquoi s'oppose-t-elle à cet amendement-là, Karine Prémont? Et qui est-elle, de fait, en quelques mots, Phyllis Schlafly? D'abord, Phyllis Schlafly, ce n'est pas exactement une femme au foyer, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on entend ses discours. C'est une auteure, une militante conservatrice qui est bien connue. Elle est universitaire, elle est mariée à un avocat, elle s'est lancée dans une course au Congrès. C'est une chercheure sur des questions de défense nationale d'armement. Donc, comme je disais, ce n'est pas tellement le stéréotype de la femme au foyer, mm-hmm. mais c'est quelqu'un qui considère que l'adoption de cet amendement-là aurait des désavantages considérables pour les femmes. Un des arguments peut-être les plus importants qui a été qui ont été relayées par le groupe de Schlafly qui s'appelle Stop Era, en particulier celui de la conscription. On disait, ben, si les femmes sont égales aux hommes, elles devront participer à la guerre lorsque ce sera nécessaire. Alors, vos filles devront être soldats. Donc ça, on comprend que ça peut avoir joué un rôle assez fort dans l'imaginaire des femmes. On craint aussi la perte de la garde des enfants en cas de divorce, par exemple. On craint la perte des protections dans les milieux de travail. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que en fait, l'amendement protège surtout les femmes professionnelles, protège pas vraiment les femmes au foyer. Et comme la majorité des femmes sont des femmes au foyer ou aspirent à être femmes au foyer, alors cet amendement-là est complètement inutile. Au contraire, va nuire à l'avancement des femmes. Et cette action du groupe Stop Era va porter fruit parce qu'il y a des oui. États qui avaient ratifié l'amendement qui vont dire non, finalement, on revient sur notre décision. Oui. Ah oui, parce que déjà, là, à partir du milieu des années 70, on le disait, il y a seulement 5 États qui vont ratifier l'amendement alors qu'on avait un taux de ratification plus élevé que ça au début. Mais il y a 4 États qui vont révoquer leur ratification avant la date limite de 1979, l'Idaho, le Kentucky, le Nebraska, le Tennessee, et un autre va le faire après 1979, après la date limite, le Dakota du Sud. Donc, à partir de ce moment-là, là, on sent un désengagement. Il faut dire que le groupe de Phyllis Schlafly est beaucoup plus mobilisé, beaucoup plus organisé, connaît moins de dissensions internes que les groupes en faveur de l'amendement. Donc, ça fait partie aussi des explications à cet essoufflement-là. Devant cet essoufflement des adhésions, on a prolongé aussi le délai qui était accordé aux États pour ratifier cet amendement. C'était le 22 mars 1979, la première date butoir. Ça devient le 30 juin 1982. Mais le 30 juin 1982, cette nouvelle date butoir arrive et on n'a pas le 2/3 des États. On n'a pas 38 États qui ont ratifié le fameux amendement. C'est pas pour autant, Karine Prémont, la fin de la bataille. Non, parce que depuis 1982, encore une fois, on va réintroduire devant le Congrès à chaque session ce projet d'amendement. Ted Kennedy lui-même va le faire 11 fois. Et là, ce qu'on va se dire dans les années 90, c'est qu'il faut d'abord essayer d'éliminer cette question de délai. Il faudrait arriver à s'entendre là-dessus. Et il faudrait peut-être aussi déterminer ce qu'on va appeler la stratégie des trois États, c'est-à-dire de concentrer nos efforts dans les trois États où c'est le plus probable qu'on obtienne cette ratification-là, le Nevada, l'Illinois, la Virginie, plutôt que de disperser les efforts dans l'ensemble des États qui ne l'ont pas encore ratifié. Ça va fonctionner. En tout cas, cette stratégie va fonctionner. En 2017, le Nevada va être le premier État à ratifier l'amendement depuis 40 ans. L'Illinois va suivre en 2018, puis la Virginie en janvier 2020. Mais on n'a toujours pas réglé cette question du délai, ce qui fait en sorte qu'il y a des contentieux, il y a des litiges, il y a une espèce de flou constitutionnel concernant la situation ou le nombre d'États actuels qui ont véritablement signé ce projet d'amendement. Sans compter, puis on en a parlé au début, mais c'est ce qui fait qu'il y a un flou aujourd'hui encore, sans compter qu'il y a des États, les 5 États qui ont fait défection, qui disent « Oh, oh, vous ne pouvez plus nous compter parmi ceux qui ont donné leur appui, qui ont ratifié cet amendement-là. » Karine Prémont, on s'arrête là-dessus. Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.